L'amour, c'est devenu un luxe. C'est pour ça qu'on a si peur d'aimer. Je suis méchant, mais j'avoue au fond. Le regard chez moi, ça ne baisse pas. J'avais un cœur en pierre, t'as réussi à le mettre. Te voir pleurer l'autre fois, ça me fait battre mon cœur. Quand je repense, ça me fait un battement au cœur. Si tu pleures, je pleure, mais je te console. Si tu tombes, je tombe en même temps que toi. T'inquiète pas, on tombera pas. Ce soir, ma plume va se déchaîner. Mon amour, pour toi, ça va se prouver. Tu sais, tu as dépassé toutes tes limites. Pour toi, je serai prête à tout. S'il te plaît, ne meurs pas pour moi. Je n'en vaut pas la peine. Mais l'aider, mais moi je t'aime. Ne t'en me laisse pas. Sans toi, je suis perdue. Je suis perdue. L'amour est devenu un luxe. C'est pour ça qu'on a si pas d'aimer. Je suis méchant, mais j'ai un bon fond. Regarde, chez moi, ça ne baisse pas. J'avais un cœur, un pierre. T'as réussi à le mettre. De faire ça n'est pas la bonne solution. Pense à moi, pense à nous deux. Notre chemin qu'on pouvait faire. Donc en marchant ensemble dans la même direction. Je voudrais tant que ton cœur retrouve son sourire, que ta boussole reprend le nord, vivre dans le sud. Puis tu sais, il y a que la distance qui nous sépare. À tout à l'heure, tu peux éclater ma boîte vocale. Tu sais, je suis ta lumière, à toi seul. Nos sons te pénètrent pour te former des mini-moi dans notre cœur. Tu sais que je t'aime. L'amour, c'est devenu un luxe. C'est pour ça qu'on a tout pas d'aimer. Je suis méchant, mais j'ai un bon fond. Le regard chez moi, ça ne dépèse pas. J'ai un cœur en pierre, t'as réussi à le mettre. L'amour, c'est devenu un luxe. C'est pour ça qu'on a si pas d'aimer. Je suis méchant, mais j'ai un bon fond. Le regard chez moi, ça ne dépèse pas. J'ai un cœur en pierre, t'as réussi à le mettre.